Bonjour à tous et bienvenue dans la Cabine Bleue. La Cabine Bleue, c'est la première et unique émission belge entièrement dédiée à l'univers de Doctor Who. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tonton Sonde. Bonjour, bonjour. Et de Hal. Bonjour. Donc moi, je suis Harry, votre animateur, et on va dire le plus sexy de la bande. Je conteste énormément et avec beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on fait uniquement audio et pas de vidéo. Avant tout, donc... Je vous explique un peu le principe de l'émission. Donc, c'est une émission sur Doctor Who. On va s'amuser, ça va nous prendre énormément de temps, on va s'amuser à passer en revue tous les épisodes de ce que certains appellent New Who, donc, c'est-à-dire le retour de Doctor Who à partir de 2005, donc avec l'arrivée de Christopher Eccleston en tant que 9e Docteur. Et on va s'amuser à faire ça. On va tenter un épisode par semaine. Hein. Ouais, ce serait déjà bien, oui. Ce serait bien. Attendez-vous à des retards parce que la vie est faite ainsi. Afin de qu'on comprenne un petit peu comment vous êtes arrivé à Doctor Who, je vous posais quelques petites questions pour un peu présenter au public les gens. D'accord, monsieur. Alors, la première question, c'est quel est le premier épisode de Doctor Who que vous ayez vu ? Alors moi, c'est Dalek in Manhattan. Ah oui, ok, oui. C'était il y a déjà un sacré bout de temps. Donc épisode du 10e Docteur qui se passe à Manhattan, dans lequel il y avait un indice dans le titre. Et c'est un épisode dans lequel il y a, comment il s'appelle, Andrew Garfield, celui qui a joué en Spider-Man par la suite. Et ça, c'est incroyable. T'avais aimé ? Oui, mais en fait, c'était la partie 2. Parce qu'il y a deux parties à l'épisode. Ouais, ok. Donc, Evolution of the Dalek. Voilà. Et donc, c'était Evolution of the Dalek. Et je pensais que c'était un téléfilm, parce que je trouvais que ça avait déjà du moyen. Ce qui est un peu paradoxal finalement quand tu regardes le reste de la série, c'est ça, parce tout à fait. C'est pas encore une période à laquelle il y avait énormément de moyens par rapport à la suite. Et c'est pour ça que je pensais téléfilm et non pas film, fatalement, ça avait le budget d'un téléfilm. Enfin, l'air en tout cas. Le cadrage fait beaucoup aussi. Tout à fait. Et de fait, j'avais pas mal aimé, je trouvais ça un peu bizarre, un peu apocalyptique, parce que forcément, la partie que j'avais vue se passait dans un camp de sans-abri au milieu Et puis une partie de l'épisode qui se passe en haut d'une tour. Une tour, oui. Et j'ai plutôt bien aimé, je comprenais pas tout ce qui se passait. Bah forcément, en plus, c'est une deuxième partie d'épisode, c'est encore plus compliqué. Mais je trouvais ça cool et je trouvais le design des Daleks rigolo. On va dire rigolo, oui, on va dire rigolo. En plus, tu avais Dalek, c'était lequel ? Dalek Sex ? Dalek Sex, ouais. Dalek Sex, qui est un hybride... Homme-Dalek. Homme et humain et Dalek, qui a un design très tentaculaire. Oui, tout à fait. Enfin, déjà que les Daleks sont tentaculaires. Et monoglobe. Oui. Yamete. Yamete. Oui, c'est vrai que c'est très... tendancieux. Voilà. Et toi, Al, quel est le premier épisode que tu as vu de Doctor Who ? Le premier épisode que j'ai vu de cette série, c'est... Pardon. Oui, le micro bien contre la bouche. Toujours la boule. Toujours la boule. C'est l'épisode 10 de la saison 3, Blink. Ah oui, ok, t'as commencé par celui-là. Blink, avec l'accent. Okay. Premier épisode à peut-être 8 ans. Oui, tu es plus jeune que nous. Hein, parce que... Oui, j'ai actuellement 19 ans et ils sont beaucoup plus âgés que moi. Ils sont vieux, ils pourraient être mes parents, tous les deux. D'ailleurs, on a une révélation à te faire. Non ! Donc Blink, oui. Les anges qui foutent la trouille. Ouais, mais c'est un super épisode. Maintenant, en tant que premier... Enfin, ce qui est bien avec cet épisode-là, si tu le considères comme un premier épisode, il est vraiment autocontenu. Si tu connais... Et il ne fait suite à rien. Il fait suite à rien. À part les anges pleureurs qu'on revoit plus tard... Il n'y a pas vraiment besoin de suite pour compléter l'aventure. Encore, ça reste de loin le meilleur épisode avec des anges pleureurs qu'il y a eu. Ouais, même s'il y en a des pas trop mauvais par la suite. Enfin, en comparaison, ils font pas le poids, on est d'accord, mais c'est pas non plus certaines chiasses qu'on a pu vivre dans Doctor Who, quoi. Il y a bien pire que les épisodes de Matt Smith avec les Weeping Angels. C'est pas les meilleurs, je vous l'accorde, je vois votre emballement. C'est pas les meilleurs, mais c'est pas les pires. Je veux dire, on a vécu quand même des épisodes bien pires que ceux-là. Mm-hmm. Et donc, t'avais bien aimé ? Ah oui ? Mais tu dis des pires. Quel est ton pire épisode ? Oula ! Celui qui t'a fait hurler. Il y en a plusieurs. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup Clara. Donc peut-être celle avec hashtag spoiler, mais celle de sa mort. Je trouve que ça allait encore, parce que limite j'étais content. Parce qu'elle est morte justement. Ouais, je pense que Fear Her, donc il y a un épisode avec David Tennant, où c'est une jeune fille qui fait des dessins qui prennent vie. Celui-là, il est bien dégueulasse. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'ambiance qui m'était très mal à l'aise, un peu... pour ceux qui ont joué à Fallout 3, il y a toute une partie qui se passe dans un monde virtuel, dans un abri. Oui. Je ne sais plus, ce genre... Je n'ai pas fait Fallout 3. J'ai fait New Vegas, mais je n'ai pas fait... C'est genre, le quartier s'appelle genre Happy Neighbor, mais c'est un peu comme le film dont tu m'avais parlé à ce niveau-là. Je ne sais plus... Ah, Pleasantville. Pleasantville, voilà. Oui, oui, qui est en noir et blanc, c'est et ça. Que tout le monde est... Il est beau, il est gentil. Voilà, et là, je trouve qu'il y a... C'est le quartier dans lequel se déroule l'action, hein, je trouve, qui donne cet effet-là dans Fear Her. Bah, oui, en fait, ça fait très... On parlait de téléfilm, mais ça fait justement très téléfilm anglais. Oui, tout à quartier fait. Où on va montrer en fait un drame du genre une mère qui a des difficultés à assumer l'handicap de son enfant, par exemple. Sauf que pour moi... ça démarre pas beaucoup plus, quoi. Se fait chier, le monstre il est inintéressant au possible. Et il y a un truc qu'ils auraient pu... Oui, parce que le monstre gribouille, merci, quoi. Ouais, c'était un peu dégueulasse. Je trouve que ce qu'ils auraient pu mieux exploiter dans cet épisode-là, c'est le côté Salem. C'est-à-dire... La petite et une petite sorcière. C'est ça, ouais. Okay. Je trouve qu'il y aurait pu avoir... plus de place pour, entre guillemets, la cruauté humaine qui a sa place quand même dans l'épisode, vu que le père est sa peur principale. Oui, tout à fait. Moi, je me suis dit, putain, ils vont partir sur un truc genre pédophilie ou violence. Il y a un peu de ça, hein. La pédophilie, mais la violence familiale. Voilà. Enfin, pour moi, c'est l'un des pires. On va pas non plus s'éterniser là-dessus. Est-ce qu'on reviendra sur cet épisode Ah oui, en son temps. Voilà. C'est pas pour tout de suite, hein, puisque c'est un épisode de... c'est encore avec Rose. Ouais, cet épisode là du coup c'est la seconde saison. Du coup c'est dans pas tellement longtemps, donc on aura le temps d'en parler un peu plus, mais pour moi c'est l'un des pires. Donc oui, tu disais Blink, c'était ton premier épisode et ça t'a permis un peu de te lancer dedans totalement. Est-ce que t'es tombé sous le charme de la série à ce moment là Ah oui, absolument. C'est justement la fin de cet épisode qui m'a dit, attends, si David Tennant, c'est le docteur, et qu'on le voit à la fin, qui est censé être le futur de Sally. Donc, le futur, c'est ça qui m'a dit, oh mon Dieu, cette série est tout simplement géniale. Mais il y a quelques... Là, c'était plutôt bien exploité, mais... C'est un peu une spécialité de Moffat de faire des trucs comme ça. Il y a ça plus tard avec l'épisode qui se passe autour de Pandorica, mais dans le musée. Oui, et puis tout simplement la rencontre entre le 11e docteur et... Le 10e enfin, tu parles de l'épisode des 50 ans Smith. Non. Le 11e, c'est... Smith. C'est Smith, oui. Voilà, et le 10, c'est Smith. Voilà, donc Moffat qui est... Ah putain, je m'y retrouve plus dans un showrunner. Moffat, c'est bien. Moffat, c'est la 5e saison, l'arrivée de Matt Smith. C'est celui qui a scénarisé Blink, qui a scénarisé Empty Child, qui a scénarisé beaucoup d'épisodes de la période Smith. Donc, on peut voir quand même sa spécialité avec, par exemple, Amy. C'est bien les relations temporelles distordues. Tout à fait. Enfin, c'est surtout avec lui que c'est développé la relation. Docteur et River Song. ouais. qui en fait, pour le dire un peu simplement, ils ont une timeline inversée, c'est-à-dire que la première fois où elle le rencontre, c'est la dernière fois que lui va la voir, et inversement, enfin, en tout cas au début c'est comme ça que ça nous est présenté, finalement pas entre tant que guillemets. Ça, mais voilà, c'est-à-dire que la première fois où lui la voit, c'est Silence in the Library. Et on comprend qu'elle est importante parce qu'elle le connaît, elle reconnaît, elle le connaît directement. Et elle dit son nom surtout. Oui, sans même que. Enfin, je veux dire, alors que d'habitude, c'est des gens que tu connais pas, enfin, à part quand c'est le retour du Master sous une nouvelle forme. Voilà quoi. Bah, donc, du coup, c'est à moi de vous dire quel est le premier épisode que j'ai vu. Le premier épisode que j'ai vu, j'étais tombé dessus en plein milieu. Genre, je me levais de mon siège derrière mon ordinateur pour aller chercher à boire et j'ai entendu une fille crier dans la télévision. Tout ça pour remarquer que c'était Martha qui est en train de gueuler dans l'épisode Lazarus Experiment. Donc, épisode scénarisé, si je ne dis pas de bêtises, par Mark Gatiss, dans lequel il joue, puisqu'il fait, il fait le scientifique de l'épisode, donc Lazarus, qui va en plus se transformer en monstre. Et je me disais, qu'est-ce que c'est cheap et qu'est-ce que c'est fascinant. Et est-ce que c'est une adaptation de Resident Evil ou de La Chose de John Carpenter? Ça ressemble plus à La Mouche de Cronenberg. Ah oui, tiens. Qui est déjà un remake d'ailleurs, mais ça ressemble plus à ça parce qu'il n'y a pas des téléporteurs, mais une sorte de chambre. Ouais. Et je trouvais ça extrêmement cheap, le jeu d'acteur n'était pas fou. Parce que c'était en VF. Et en plus, c'était en VF. Et alors, je me disais, what? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Finalement, je suis jamais revenu jusqu'à des années après où une personne que vous connaissez, Marine. Tout à fait. Je sais pas si toi tu la connais, mais toi tu la connais. Ouais, tout à fait. Qui m'a dit, qui disait, Doctor Who, c'est bien. Je dis, ok, bah, je vais essayer. Marine Le Pen, hein, bien évidemment. Marine Le Pen, tout à fait. Jusqu'en Belgique, elle vient casser les couilles des gens. J'ai regardé le premier épisode dont on va parler aujourd'hui et qui ne m'a pas du tout passionné, mais on va y revenir. Deuxième question, du coup. Est-ce que vous avez un docteur préféré? Oui et non. C'est-à-dire que si je devais un jour devenir homosexuel, oui, okay. Il y aurait deux personnes avec qui je coucherais. Ouais. Il y aurait Ryan Gosling et David Tennant. Ok, voilà. Ouais. Qui est un peu l'argument de beaucoup de filles, hein. Ah oui, tout à fait. Les gens, elles vont choisir Dayton parce que c'est le plus beau gosse de Docteur depuis le retour de la série. C'est l'argument de ma maman. Voilà. Ouais. Qui est un argument tout à fait défendable. Ça dépend où tu mets tes priorités. C'est ça, oui, tout à fait. Mais, par exemple, inversement, moi, j'ai pas du tout. Enfin, en dehors du fait que je suis pas attiré par les hommes, j'ai pas du tout ce type d'argumentation parce que, par exemple, Clara est, au niveau du body, plus techniquement plus sexy qu'Amy. Mais techniquement, je veux dire, c'est technique. On est... Ah oui, voilà. On c'est, est sur. C'est objectif. C'est ça. C'est mesurable, sur... monsieur. C'est ça. Elle est à 10 Urions, qui est l'unité de mesure de la sexiness. Bien sûr. Mais par contre, une fois que le père. Enfin, non, mais à partir du moment où tu sais que c'est un kissogramme, Amy devient instantanément le personnage le plus sexy de l'univers. On en reparlera dans la série. Tu sais très bien que je suis de cet avis, mais, oui. mais on en reparlera. Voilà. Toi, tu n'es pas forcément de cet avis, je crois. Quel avis parles-tu? Par rapport à Amy ou Clara Par rapport à le personnage féminin de la série le plus marquant. Sexy. Ah. Question très. J'en reviens pas qu'au premier épisode, on parle déjà comme ça. On va se manger les féministes sur le dos. Moi, je me désolidarise de quelconque décision dans cette conversation. Enfin, j'arrête là mon parcours politique. Non, mais de toute façon, voilà, on objectifie les femmes et c'est ainsi. C'est une blague. C'est une blague. Déjà qu'on n'a pas de. Range le bidon d'essence, madame. On n'a pas de. on n'a pas de participante féminine. Ça va être un peu compliqué d'essayer de défendre notre point de vue. Donc, si c'est la question que tu me poses, oui. Le personnage le plus sexy de tout Doctor Who confondu, très compliqué. C'est très compliqué parce que mes goûts ne sont pas les tiens, cher Harry, ne sont pas les tiens, cher Tonton. Ouais, mais ouais. J'ai cru entendre. Clara. Enfin, ouais. Clara et River. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai cru entendre. Moi, j'aurais pensé Face of Bo. mais de Face of Bo, je le déglingue sexuellement quand tu sais qui c'est. Ouais. Ah ouais, clairement. En fait, si je devais être homo, il y aurait trois personnes que je baiserais. Premier épisode, ça part en couille. Ouais, je n'étais pas certain qu'en fait on allait partir vers cette orientation. C'est pour ça qu'on va continuer. Donc toi, David Tennant. Oui. Comme docteur. Techniquement, oui. Je recadre. Si vous le permettez, je recadre. Voilà, techniquement. Et c'est aussi le moment où j'ai été le plus à fond dans la série, c'est avec Tennant. C'est oui. Le moment où je me piquais 8 fois par jour au Doctor Who. Le moment où je me suis mangé 2 saisons en une journée et demie. Ouais. Où j'ai pas dormi de la nuit pour regarder Doctor Who. Moi, il y a un moment où j'arrêtais de regarder Doctor Who pour manger. Mais des fois, je mangeais en regardant, me laver ou pour jouer aux jeux vidéo Doctor Who. C'était assez monomaniaque. Ouais. Je fais ça pendant une semaine ou deux, c'était assez fou. J'étais en vacances. Ah non, j'étais au chômage. Ça explique beaucoup de choses. Voilà. Et donc, toi, Al, quel est le docteur qui t'est le plus proche ? Matt Smith. Ouais, ça, je suis pas surpris par cette réponse. Pourquoi ? Bah, tout simplement pour son tempérament. Mm-hmm. Parce qu'il a un tempérament, on va dire, d'enfant. Oui, c'est un jeune adolescent fougueux. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est très intéressant la période de Matt Smith avec Amy et Rory, parce que on a l'impression d'avoir une petite famille, quoi. Ouais, la petite famille qui là où Luke est le plus vieux, en fait, a plus le comportement du gosse, ouais. Et eux des parents, quoi. Ça, son tempérament, sa façon d'agir et surtout le décalage entre le côté enfant du personnage et ouais. Son côté sérieux, ouais. Par exemple avec le monologue des Anneaux d'Akathène. Oui, qui est un super discours, où justement c'est la preuve de tout son vécu, et il le dit d'ailleurs dans le discours de régénération, mm-hmm. avant de devenir Capaldi, il le dit, t'oublieras pas qui tu es avant, l'important c'est de... Ouais. C'est de... Que nous changeons tous. Nous changeons tous, mais l'important c'est de souvenir qui on était auparavant, et là où il y a un plein qui était déçu justement parce que tu dis, bah il est tout joyeux, alors avec tout le vécu qu'il a eu, c'est chaud. Mmh. Surtout la fin de David Tennant qui était très... Enfin, ouais, il avait fait des décisions par rapport à Water of Mars et tout mmh. ça, où franchement, il disait, est-ce que niveau moral, c'était acceptable ? Et qu'en fait, non, tout ça n'était pas du tout oublié. Il a simplement essayé de vivre avec ça, ouais. Plutôt que de se remémorer tous ces moments difficiles et décider, ça fait partie de moi, quoi. Et moi, vous le savez peut-être, mais moi, entre le 9e, le 10e et le 11e, je n'arrive pas à choisir. Parce que pour moi, ils sont tous aussi bons l'un que l'autre, dans un style parfois un peu proche entre Matt Smith et David Tennant, et un peu clown sérieux, un peu dur avec Eccleston. Mais ils ont tous été exceptionnels. Mais Capaldi est out d'office pour toi. Oui. Même s'il a l'un des meilleurs discours du docteur, qui m'a fait chialer. Donc avec Zygon Invasion, Invasion et Inversion, donc l'invasion et l'inversion, où en fait, il parle de terrorisme. Je ne sais pas si tu vois ce discours. Pas celui dans l'avion. Non, celui où il confronte les deux camps. Donc les humains et les Zygon, pour qu'ils se mettent d'accord, quoi. Et là, il parle de la violence des hommes, enfin la violence des peuples, parce qu'il ne parle pas uniquement des hommes, mais des différentes races. Et pourquoi il est hors du truc. Malheureusement, c'est un excellent acteur, Capaldi, vraiment. C'est peut-être l'un des meilleurs, avec David Tennant, l'un des meilleurs acteurs qu'on ait eu pour jouer le docteur. Je veux dire, quand tu regardes leur carrière au grand... Moi, j'en suis pas encore arrivé à... Un Capaldi, oui. Un Capaldi. Parce que je n'arrête pas de recommencer la série. Et encore une fois pour cette émission. Et donc, du coup, à chaque fois, j'arrête d'avancer un petit peu avant ça. Et il faut aussi dire que... il commence à quelle saison ? Saison 8 ? Capaldi ? Oui. Il commence à la saison 8. Voilà. Oui. Et ben, la saison 7 me décourage à chaque fois. C'est dingue, hein. C'est l'une des pires saisons de l'univers. C'est comme la saison 2 de Breaking Bad, c'est ce qui m'a empêché de continuer. Ah, Breaking Bad, mais je trouve que c'est ma saison préférée. Mais ça, c'est... On en parlera. C'est-à-dire qu'enfin, dans l'émission, on fera des bilans de saison. Voilà. Et là, je pense qu'on va faire un procès. Et t'as intérêt à avoir un bon avocat, parce que je vois vraiment pas comment tu vas défendre ton truc. Enfin, pour moi, c'est une des pires. Oui, tout à fait. Enfin, oui. Bah, oui, Mais j'ai pas encore vu la suite, donc je peux pas dire. Oui, non, après, c'est pas forcément mieux. Il y a de bons épisodes. À chaque fois, ça me décourage. Et à chaque fois que je recommence, je me dis « Ah oui, c'est pour ça que j'adore Doctor Who. » Oui. Et après, j'arrive à la saison 7 et ça... Oui, on va peut-être que je vais aller me faire, je sais pas, une partie de Red Orchestra, ce sera peut-être plus sympa. Ouais, ouais, il faut un peu passer par là. Et c'est juste que t'as presque le syndrome de Stockholm avec Doctor Who, c'est-à-dire qu'en fait, t'es là pour les souvenirs des moments passés, en espérant qu'il y en ait de nouveaux. Et parfois, il y en a des nouveaux, et au moment où tu dis... Ouais, enfin, pour moi, c'est impensable maintenant, même si la série devient une merde incroyable, pour moi, c'est impensable de laisser tomber Doctor Who. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est, je suis pris en otage jusqu'à la fin, quoi. Mais avec toujours l'espérance que ça devienne mieux. Ouais. Enfin bon, ça, on fera des bilans de saison. Une dernière petite question, hein, comme ça, on va pouvoir passer à la critique de l'épisode Rose, donc premier épisode de la première saison. Tout à fait. Du retour de Doctor Who. Je vais éviter de manger. Du rototo de Doctor Who. Est-ce que vous avez un épisode ou une saison, enfin une période, qui, au-delà des Docteurs, quelque chose qui vraiment... Ah, j'y pense maintenant. Donc, c'est une question déjà qui vous marque. Et j'aurai une autre question juste après. Ok. Alors, c'est comme choisir un enfant préféré. Ah, moi, j'ai mon gosse préféré. J'en ai pas, donc c'est facile à choisir. Voilà. C'est ceux des autres. C'est ça. Donc, c'est extrêmement difficile à choisir. Moi, je peux... Enfin, si je peux prendre la parole. Ouais, je t'en prie. En effet, c'est impossible de choisir un épisode. C'est impossible de choisir une saison. Maintenant, je remarque que moi, il y a une chose qui me saute à la face, oui. Vraiment, et j'ai ça avec Firefly par exemple, c'est quand je relance la saison 1, donc celle de Johnston, il y a une ambiance, une nostalgie qui t'envahit directement, qui s'estompe un petit peu, ce côté vraiment, elle a son ambiance propre, elle a vraiment un truc qui est propre à elle, qui fait que c'est comme quand, je sais pas moi, le meilleur moment de ta vie... qui s'est passé à tel endroit, t'es jamais retourné depuis, t'y retournes, là ça t'éclate à la face. Quoi. Ça. Et là il y a ça. Je dis pas que c'est ma saison préférée, elle fait partie de mes préférées, mais il y a ce côté ambiance qui joue beaucoup. Et ben, moi il y a un épisode, quand j'y pense, je pleure, limite. Mais moi il y en a beaucoup. Limite, hein. Non, bah, parce qu'il y a pas mal d'épisodes devant lesquels je chiale, hein, comme une Madeleine. Oui. Mais il y en a un, quand j'y pense et quand j'entends la musique. Je pleure, c'est les adieux de Rose. Ah oui, Doomsday. Doomsday. Et je pourrais pas mais vraiment dire que c'est mon épisode préféré. Double mais c'est... épisode. Ouais, en plus. Il n'est pas fou en lui-même, mais ce moment-là. Ouais, c'est la clôture. C'est comme incroyable. Le moment de régénération du 8e Docteur qui moi, me fait du 11e Docteur qui me fait chialer. Donc l'épisode. De fin de Matt Smith, l'épisode lui-même est pas fou, mais la fin avec le discours du docteur, avec le retour d'Amy en ouais, c'est pas vraiment c'est plus une illusion, enfin en tout cas c'est j'en reviens pas, une hallucination, voilà, c'était le mot que je cherchais, une hallucination du docteur, ça fonctionne super bien quoi, mais l'épisode en lui-même il est pas fou. Voilà, donc moi c'est la fin de Doomsday, elle est folle. Oui, tout à fait. Voilà. Et toi, Al, un épisode, une saison, une période particulière qui vraiment fait que pour toi, c'est le zénith, le pinacle, le pinaclolada. Je répète la vanne parce que tu n'étais pas devant un micro, mais ça vaut son pesant de cacahuètes, ne fais plus jamais ça. Oui, donc tu disais. Très compliqué. Tu poses des questions difficiles aussi. Hein oui, bah j'en ai une un peu plus simple après, et après on partira sur la critique de l'épisode. Donc l'épisode préféré, les Anneaux d'Akathen. Ah oui. C'est un épisode que tu regardes sur les, tu regardes les critiques, les gens sont pas fous de cet épisode, moi je l'aime beaucoup. Il y a un côté Guillermo del Toro, c'est-à-dire ils ont décidé de faire tous des costumes en caoutchouc, qui est en fait propre à Doctor Who aussi, hein, mais je veux dire, tu as cette... Je me fais attaquer par une mouche, c'est insupportable. Tu as ce côté, beaucoup de races, réunion même endroit. Pour un événement qui... Oui, et la chanson est super, le discours du docteur est super, je comprends. La chanson est géniale. Et, on va dire, l'objet de la feuille. Qui fait que, s'il n'y avait pas eu cette feuille, Clara ne serait pas là, et Harry n'aurait pas de raison de râler. Oui. Oui, la feuille est importante, mais c'est Clara, quoi. C'est comme à un moment, elle dit « Oh, faut aller sauver le docteur. Oh, il y a une moto volante. On va faire l'une des scènes les plus kitsch de Doctor Who et on va me voir aller sur cette moto volante. » Et c'est une des pires scènes de Doctor Who, c'est où elle est en train de foncer sur cette moto pour aller sur le petit astéroïde pour venir avec la feuille, quoi. C'est d'un kitsch, mais c'est incroyable, quoi. Alors oui, je comprends, l'idée de la feuille était super cool, remplie d'instants, oui, qui sont super importants pour elle. Et comme elle est un personnage important, vite fait, oui. C'était intéressant, oui. Intéressant, oui. Maintenant, c'est avec Clara, du coup. Ben. Et dernière question. La question est, est-ce que vous avez une ou plusieurs races, hein, mais on va les passer vite fait en revue, une ou plusieurs races d'aliens que vous aimez vraiment beaucoup? Est-ce que je peux faire un poké rap d'Alien? Ce serait incroyable. Mais je ne sais pas rapper, donc on ne va pas le faire. On a plusieurs races en commun, toi et oui, moi. Oui, il y a des races qui nous tiennent à cœur. Ah mais carrément, je rêve de ces races-là. Les Wood, voilà, parce que les Wood, c'est l'une des races les plus importantes de l'univers. Quoi des Wood? Mais les Wood sont intéressants dans le fait qu'ils sont contrôlés par quelque chose au début, quand on les voit. Oui, et oui. Ensuite, quand Tennant... Oui, c'est ça. Quand Tennant... Oui, oui. Docteur Donna. Oui. Quand Docteur Donna le ramène sur leur planète, on apprend, avec leur petit cerveau dans les mains... Oui. Enfin, on apprend que c'est un cerveau, d'ailleurs. Mais leur design, on dirait juste qu'ils ont mangé trop de nouilles. Mais quoi. Génial, le design, calme-toi. C'est que Toulouse. C'est clair. C'est Cthulhu qui s'est pris un gros pet et qui a les yeux complètement éclatés. Non, c'est Cthulhu avec l'allergie au pollen. C'est ça, chacun ses références. Pour ceux qui sont allergiques comme moi, je comprends votre souffrance. Moi je suis allergique au chat. Je suis allergique au chat, unite. Voilà. Mais moi j'adore les Wood, ils sont extrêmement attachants. Et regarde la fin de Tennant, et connectée à une race, c'est celle-là. Et puis, moi, ce que je trouve fou, c'est qu'ils sont victimes et jury. Enfin, oui, arbitre. Enfin, tu vois. Oui, il y a une certaine vengeance sociale. Ouais, ouais. Même au-delà de vengeance, vengeance violente, parce qu'ils vont se venger. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas une race méchante. C'est ça. C'est juste le holà. Ils ont vraiment une... C'est-à-dire que c'est pas la déception du genre « Ah, finalement, le méchant, il est gentil. » C'est pas Knuckles dans Sonic. C'est pas... là, vraiment, tu dis « Ah oui, ok, c'est logique. » Par rapport à la construction des personnages, leur fonctionnement, c'est logique, ça fait sens et c'est génial. Voilà. Mais il y en a d'autres qu'on aime beaucoup. Peut-être, Al, si tu as une race qui te tient à cœur. Les anges pleureurs. Oui. Mais... On est tous d'accord là-dessus, oui. Oui, pour le principe. Maintenant, je leur ferai pas un câlin comme je ferai un câlin au Wood. Quoi. Non. Ou comme on ferait un câlin au Sontarien. Oui, mais c'est parce que c'est des monsieur patates. C'est fou. Ou comme on aurait envie de faire aussi bizarrement un câlin au Rhinocops. Oui, mais parce que parce qu'il me rappelle Bebop et Rocksteady. Tout à fait. Oui, clairement. J'y pensais juste avant. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est un épisode Tortue Ninja. En plus, c'est super l'épisode Smith & Jones. Il est complètement fou. Ouais. Une autre race que je peux citer, bon, les anges pleureurs, en effet, mais surtout pour le principe. Parce qu'ils n'ont pas vraiment d'identité propre. Enfin, d'identité personnage, je parle. C'est ça, ouais. Parce qu'ils ont une identité propre, je veux dire, la race est bien définie, tout ça. Mais je veux dire, il n'y a pas comme Strack, par exemple, avec les Sontarians, ou alors le Wood qui suit Tennant sur la fin de sa vie. Mais le principe de l'ange Bob, tu en fais quoi, hein? L'ange Bob. Dans l'épisode justement où ils sont avec River Song sur la planète où ils sont accompagnés par des militaires catholiques. Oui. Et t'as Bob. Enfin, en plus, c'est ridicule. T'as un militaire qui s'appelle Bob qui se fait capturer par les anges. Oui, ok. Et qui reste oui. À la radio. J'en fais. Ouais, moi, c'était tellement pour moi inintéressant que je l'ai oublié. C'est un vieil artifice. Je l'ai oublié. Un vieux Deus Ex Machina de. Ah, il faut les faire communiquer, merde, avec les anges pleureurs, on n'a jamais fait parler d'anges, et c'était un principe super intéressant de jamais faire parler les anges, et qu'ils aient pas vraiment de moyens de communication, hormis leur présence oppressante. Mais il y a Bob! Oui, c'est ça, quoi. C'est limite, c'est un peu poussé. Enfin, la preuve, j'avais oublié. Mais voilà, tu peux défendre ton idée, mais moi, ça me vend pas le truc. Mais c'est une race super intéressante. Ouais. Comme les Silent. Oui, ah oui, ça c'est. Alors qu'ils n'ont pas, il y a pas de personnage dans les Silent. Enfin, je veux dire, t'as pas un personnage, c'est une race. C'est le principe qui est intéressant dans. Ils ont des doigts pénis. Oui, oui, j'ai rien d'autre à dire. Tu vois, ça m'a mis sur le cul. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on les défend pas assez et que c'est important et que je suis pour la paix des ménages. Les Slitheen, enfin, c'est pas la race, ça c'est la famille. Ouais, ouais, mais je sais pas dire la race. Du coup, Axacorico Phalapatorius. Voilà, tout à fait. On voit qu'on est des spécialistes. Je les aime beaucoup parce que c'est des gros bébés dégueulasses. Et moi j'aime ça, les gros bébés dégueulasses. Échelle de Jacob, je pense à toi. Oui, en effet. On drop. C'est pas la première fois qu'on drop des noms de films. Voilà. Depuis le début de l'émission. Voilà. Je pense qu'on peut partir sur la. Bon, il y a d'autres races très intéressantes, mais on va pas. On pourra en parler quand on abordera les épisodes. Et je vous propose de partir dans la critique de ce premier épisode qui est Rose. Allons-y, Jean-Guy. Exterminate. Donc voilà, on parle du premier épisode du retour à la série en 2005 avec en tant que docteur Christopher Eccleston. Tout à fait. Et avec Rose Tyler. Personnage qui donne son nom à l'épisode. Alors, Al m'a passé une petite affiche, une fichette, avec le résumé de l'épisode. Est-ce que je le résume de ma voix grave et sensuelle ? Oui, maintenant j'invite quand même nos auditeurs, s'il y a quelqu'un de l'épisode. De... Ouais. On va allègrement spoiler comme des bâtards. On spoil. Hein. Mais c'est important. Voilà, je n'avais pas d'argument du coup. Ouais. Bah non, mais. C'est-à-dire qu'on parle à fond du truc. Enfin, on parle à fond. Hein. Encore une fois, je pense qu'il y a moyen de toujours aller plus profond, d'aller plus loin. Là où aucun homme n'est jamais allé. Tout à fait. Star Trek. Beyond the Darkness. Mais... Darkness de ton cul. Mais disons... On a quand même entendu. Mais voilà, oui. Donc, on va aller à un certain niveau... Peut-être pas pour tous les épisodes, parce que... Bah, y a l'épisode ici, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup à dire. J'ai des choses à dire, oui. Monsieur. J'ai quelque chose à vous dire, Julien Chiez. Non, s'il te plaît, non. D'accord. Pas encore, maman. mais par contre, peut-être que sur l'épisode avec les Rachnos, j'aurais peut-être pas... Enfin, avec la Rachnos, du coup, j'aurais peut-être pas autant de choses à dire qu'ici. Oui. Mais sur le coup, on va se poiler comme des bâtards. Et on spoile le poil ici. Donc voilà, je commence ? Oui, un petit résumé, allons-y. Alors, c'est une autre journée ordinaire pour la jeune londonienne Rose Tyler. Ouais. Cependant, les choses vont vite bientôt changer. Elle se fait attaquer par des mannequins en plastique quand un homme qui dit s'appeler le docteur intervient. Elle va alors chercher à en savoir plus sur cet étonnant personnage avec l'aide de son petit ami Mikey Smith. Ne se doutant pas que dans le même temps, Londres est en danger. Da da da. Da da da. Donc ça, c'est le résumé qu'il y a sur la boîte des DVD, c'est ça ? Oui. Ok, on a juste enlevé un truc qui n'apportait pas d'éléments intéressants pour le résumé de l'épisode. Qui veut commencer sur la vie générale ? On va commencer à aller sur la vie générale, puis on va partir dans une conversation un peu plus construite. Qui a un avis général sur cet épisode ? Al. Pour un premier épisode... Donc de première saison, oui. J'ai trouvé pas mal. D'accord. En se remettant, évidemment, dans le contexte du 26 mars 2005. Oui. On sort des dates, on est des fous. Et on a des chiffres après, donc t'imagines, la folie, quoi. En se remettant dans le contexte, oui. C'était un bon épisode. Les effets spéciaux étaient bien pour l'époque, mais maintenant ils sont à chier. Ouais. Enfin, je veux dire, les mannequins. C'est quand même sorti des années après Jurassic Park. Hein. Non, mais les mannequins sont tout à fait réussis. Oui, ça oui. Encore maintenant. C'est le gros truc, la conscience, qui elle est dégueulasse, mais. Parce que c'est de la 3D. Ensuite, ça introduit le personnage de Rose, comme dit précédemment, et qui sera un personnage très important par la suite. L'autre moitié du personnage principal. Oui, enfin, c'est l'un des compagnons. Donc, moi, je dis compagnon, je dis pas compagne parce que c'est très romantique, compagne. Donc, je reprends l'anglais compagnon. C'est la compagnon, l'une des plus importantes. Beaucoup de gens l'oublient en disant ouais, bah, y a eu Clara. Fermez vos gueules, déjà. Putain, il y a du goût. Mais Rose est importante. Et là, c'est le premier contact qu'on a avec ce perso, oui. Donc, ça, bon personnage. Ensuite, on a l'introduction, pour moi, du personnage le plus énervant de toute la série. Attends. C'est soit la mère de Rose, soit c'est Mikey. Je crois que c'est la mère. Dans les deux cas, je suis pas d'accord. Dans les deux cas, je suis pas d'accord. Il y a beaucoup plus énervant que ça. Mais je t'écoute. Lequel? Pour moi, c'est Mikey. Ça se défend. Franchement, c'est vrai qu'il est, il est saoulant, ce mec. Il a une tête en plastique, c'est énervant. Ouais. Alors, c'est vrai, d'une part. Mais ensuite... un peu comme dans Breaking Bad, par exemple, j'en ai déjà parlé. J'arrive pas à regarder la saison 2 de Breaking Bad à cause de la bonne femme de Walter. Oui, mais on a déjà eu cette conversation. Parce que, en effet, c'est le seul personnage qui vit la réalité. Oui, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur, toi, t'as envie de suivre Walter dans une aventure folle. T'as pas envie qu'il soit... qu'on lui mette des bâtons dans les roues avec c'est des ça. Trucs terre à terre. Or, si tu considères la situation comme étant une situation réelle, c'est elle qui a le bon comportement. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Et là, Mikey et sa mère... un certain comportement logique. Oui. Enfin, je veux dire, moi, si demain j'ai une copine, ce sera déjà merveilleux. Et ensuite, si demain j'ai une copine et qu'elle me dit « Bon, j'ai rencontré un type, il va me faire voyager dans l'espace et tout. » Je vais dire « Alors, on sort ensemble. Reste bébé. Reviens. » Et après, tu lui chantes. Apparemment du R&B, hein, vu la voix que tu as pris. Mais oui, en effet, c'est... Mais le problème, c'est qu'on suit une fiction. C'est ça. Là où Breaking Bad est très ancré dans le réel, là, c'est vraiment... Enfin, je veux dire, on suit un alien qui vit des aventures à travers le temps et l'espace. Du coup, Mikey, à côté, il n'y a pas énormément de poids, quoi. Mais non. Oui, mais par rapport au personnage, vous dites que c'est une sorte de personnage réel dans un univers de fiction, plus ou moins, avec des réactions. Oui, enfin, en tout cas, avec une réaction normale de se dire, ok, voilà. Pourquoi suivre ce mec, quoi. Et puis les premières fois, parce que à la fin, il sort avec. Avec Martha, ouais. Martha. Oui, on spoil, on l'a dit. Ouais, on spoil comme des bâtards. Hein, on est fou ici. On sort des chiffres, on spoil. Calme-toi. Il flingue des hommes patates, justement. Ouais. En mode agents spéciaux. Il est totalement habillé de noir, il est très slick. C'est ça. On a. Il a changé. Il a changé. Ouais. Ce n'est plus le Mikey qu'on connaissait. C'est plus le Mikey qui veut bouffer des frites. Oui, mais là, on parle du premier épisode. Donc je reste sur le premier épisode. Restons cadrés sur cet épisode. Parce que si les gens. Oui, on va partir trop loin, on va partir dans tous les sens. Et puis les gens vont dire ah merde, ils m'ont spoilé. Oui, en fait, le docteur, c'est un alien. Ah oui, on ne l'a pas dit. Voilà. Le personnage de Mickey ? Oui. C'est un connard, tout simplement. Je ne sais pas si on peut dire des gros mots ici. On peut. Ah, donc on peut. Parce qu'il trompe Rose. Il trompe Rose ? Oui, il la trompe. Il trompe Rose. Oui. Ah, attends, tu te bases entièrement sur cet épisode pour dire ça ? Oui. Sur le passage où Rose va dans l'appartement de Mickey. Check pas mes mails. Voilà, exactement. Mais non, ça peut vouloir dire j'étais maté un porno auquel il fallait s'inscrire sur le site. Un site de rencontre, toujours. En effet, c'est chelou. J'irai pas jusqu'à tromper, il lui cache les choses. Après, il y a aussi, dans les relations, une... petit aparté. Dans les relations, il y a une... c'est une relation de confiance, une relation amoureuse. Et c'est aussi une relation faite de... Je ne vais pas dire d'interdit, mais de barrières qu'on se met pour avoir justement une marge que même si on ne l'utilise pas, elle soit là. Oui, mais là... Non, là, il l'adresse directement. Ma crainte, c'est que tu checkes mes mails. Oui. Ah, oui donc, la première chose qu'il dit, c'est Elle arrive chez lui, il lui dit un truc, je sais plus trop quoi. Elle dit, je vais aller voir un truc sur internet. Et il lui dit, ok, c'est dans ma chambre. Et il lui dit, check pas, surtout check pas mes mails. Après, il est peut-être un amateur de My Little Pony. Et il a peur de. Et ouais. Voilà, et moi je comprendrais à sa place. Ou même de porno extrêmement hardcore. C'est ça. Et donc il a peur de lui faire peur. J'ai pas vu de. En tout cas, il lui cache quelque chose et on n'aura jamais réponse à ce truc-là. Voilà, j'ai pas vu de Sing Slide dans son appart. J'ai pas vu de truc. J'ai regardé au plafond, il n'y a pas de marque de vis. Ouais. De harnais. Ça peut être parce qu'il fait du sport et qu'il veut accrocher le sac de boxe. Ah oui, c'est vrai, au-dessus de son lit, c'est super pratique. Écoute, j'essaie de le défendre comme je peux, ok. J'ai les arguments que la série me donne, et elles sont limitées. Ensuite, la mère de Rose, oui, qui est aussi un peu énervant. Elle trompe Rose. Elle a une autre fille quelque part. Elle a un chien, rappelez-vous. Oui, mais ça c'est un univers parallèle, ça compte ouais, pas. Oui, c'est un univers parallèle. Ça ne compte pas. Je suis pas trompé, c'est dans un univers parallèle. Mais voyons, dis donc. Tout ça pour dire qu'elle amène un fait. Oui. Un fait sur le nouveau docteur qui est un peu drôle, un peu comique. Je parle de ça par rapport à la scène où Christopher Eccleston entre dans l'appartement. J'adore cette et scène. Et il y a. Mais dis donc, je suis presque nu, vous êtes un homme dans ma chambre. Il pourrait arriver n'importe quoi. Non. Non. Non. C'est un refus, madame. Vraiment, ça, il lui dit genre... je suis pas intéressé, désolé. Vous n'êtes pas le genre de personne qui me donne envie. Et ça amène le fait de... Ah, il peut être un peu drôle, un peu comique par rapport à la situation. Oui, tout à fait. Non, il y a aussi dans justement cette scène où tu le vois évoluer dans un monde, enfin dans un quotidien de personnes normales, tu le vois en fait commencer à regarder du genre, il regarde un truc de People, et il dit ça va pas durer parce que c'est une alien. Du coup, tu te dis parce qu'il la connaît, est-ce que il sait détecter qu'il y a un alien au-delà du physique ou on apprend après que non en fait. Hein. À part s'il y a des éléments, il va lire un bouquin juste en tournant les pages, les pages extrêmement rapidement. Comme Génome. Et ça revient pas. Qui passait sur la 2, oui. Il y a quelques années. La 2, chaîne belge, ouais. Pas du tout. Alors, c'était Blabla, hein, tu situes Blabla, tout le monde situe Blabla. Alors, pour les non-belges qui nous écoutent, c'est une sorte d'alien qui a la tête en forme de table basse. C'est ça. Il a la tête plate. Voilà. Mais est-ce que c'est un alien ? C'était un alien ? Oui, c'est un alien. Hein. Oui, parce qu'il y avait il me semblait qu'il y avait une question de manipulation génétique. Et c'était pour les enfants. Hein. Et voilà. probablement consanguin. Très certainement. Et ses meilleurs amis sont des souris. Et il était belge. Ouais. Et alors, Blabla, c'était pour les gosses. Oui. Et après, ils ont fait Génome pour les pré-ados et les ados. Ah oui, mais moi, j'étais... Ouais. Je regardais, à mon avis, déjà plus. Hein. Ouais, et Génome, c'était des jumeaux aussi à moi. Oula, un black, un blanc. Ok. Et qui était dans un espèce de lit d'hôpital et qui balançait des trucs super, des dessins animés un peu plus matures. Ouais. Des infos sur les jeux vidéo. Ok. Genre, ils étaient complètement fous sur Trackmania. Ah, ok. Ah oui, non, oui, c'est l'époque de Trackmania. Je regardais déjà plus les dessins. Du premier, hein, forcément. Ouais, bah, c'est quoi, c'est 2008, quelque chose comme ça. Ah non, non. Ah, je, dans ma tête, c'est bien plus vieux que ça. Écoute, continue à parler de ça. Je vais checker sur l'Internet 2.0. Ouais, alors, c'était peut-être pas Trackmania, parce que je suppose que des trucs où tu crées des circuits avec des loopings, on avait avant Trackmania, bah, soit. Enfin, bah, c'est surtout Trackmania qui a fait ça. Quoi. Et en fait, dans Génome, bah. C'est un être génétiquement modifié. Et alors, il checkait aussi les bouquins, comme ça, tu sais, on lui donnait un magazine, il fait... Ah oui, page 52, c'est plutôt intéressant. Ok, ouais. Voilà. Référence belge, une fois. Et voilà. Je pense que les Belges sont les pires pour faire l'accent belge. Oui, sans doute. On l'a déjà, du coup, quand on veut vraiment le faire pour le souligner encore plus, mais on part dans un truc qu'on... Quand on écoute des Français faire l'accent belge, et du coup on est les pires pour faire ça. Déjà, les Français font l'accent bruxellois, alors fatalement. Oui. Et le une fois, si jamais des Français nous écoutent, personne en Belgique ne dit une fois. C'est tiré du néerlandais où ils disent ins. Ouais. Et en fait, ça va être des néerlandophones quand parfois ils essaient de parler français. vont dire une fois parce que en, c'est comme on va dire donc ou tu vois. Ah, tout à fait. C'est une sorte de ponctuation de langage, quoi. Mais ça n'a pas. Il n'y a aucun Belge, à part à la base des néerlandophones, qui parle comme ça. Et Trackmania premier du nom est sorti en 2005, bordel de merde. Ah, bah voilà, ouais, ça c'est possible, du coup. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est vieux. C'est les pyramides, ça. Illuminati, complot. Akhenaton. Donc, nous repartons sur Doctor Who, s'il vous plaît, oui, parce c'est... que dessin animé 2005, tout va bien. Nous parlions du livre. Dans cette même scène, on voit, je parle beaucoup du fait qu'il soit comique, mais on voit le paquet de cartes. Oui, oui, oui, il joue avec, oui. Voilà, il joue avec, il l'explose entre guillemets. C'est toujours pour souligner le fait, ah, il peut être drôle. Et un peu maladroit, quoi, aussi. Un peu maladroit. Parce qu'il réussit une fois dans un sens, il veut le faire dans l'autre, ça part dans tous les sens. Ouais. Et voilà. Et Rose qui ne le prend pas au sérieux quand il se fait étrangler par le bras. Oui. Mais parce qu'elle ne connaît pas le... Et puis parce que Mikey avait fait la même chose avant. Oui, il avait fait un peu la... C'est ça. Genre, et elle a flippé et puis elle fait « Bah non, je déconne !» Et donc du coup, le docteur l'a fait. Ça, les hommes tous les mêmes. Mais toi, tu as assez bien aimé cet épisode, Al. Le premier, oui. Qu'est-ce que tu en penses, tonton? Alors, donc maintenant, ça fait 4 ou 5 fois que j'ai regardé. Et ouais. La première fois, plus ou moins au même chiffre aussi. C'est la première fois que j'ai regardé, ça fait. Ok. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. Planète A, planète B, je ne sais pas. Ça, je vous donnerai mon avis après parce que moi, enfin, tu sais bien mon avis. Ouais, c'est... Et je me suis dit, faudrait continuons. Et après, le reste de Doctor Who m'a convaincu, notamment le second épisode où ils partent dans le futur. Ok. Qui sera donc notre épisode de la semaine prochaine. C'est ça. Mais quel épisode que j'aime beaucoup. On fait des ponts entre nos épisodes. Oh. Ouais. Abonne-toi, yeah. C'est ça. Et la seconde fois, donc où j'avais déjà regardé une première fois, où j'avais un peu plus avancé, où j'avais abandonné, genre à la saison 2 ou quoi, j'avais regardé une seconde fois pour m'y remettre et je m'étais dit, bon, non, ça va, c'est Doctor Who. C'est pile Doctor Who. Mais je n'étais qu'à la saison 2 quand j'ai regardé la seconde fois. La troisième fois, j'ai regardé après avoir regardé Doctor Who jusqu'à l'épisode des 50 ans. Oui. Et là, ça a fait... Ah, oh, c'est Doctor Who. C'est vraiment Doctor Who. Mais moi, j'ai un avis relativement proche, mais encore plus... Encore plus en contraste. Donc après avoir vu la science experiment, j'avais trouvé ça... kitsch mais intéressant parce que ça allait à fond dans son délire. Ouais. Et puis ici je reviens à tenter la série et j'ai détesté ce premier épisode, mais c'était incroyable. Je fais putain, mais comment tu peux faire un truc comme ça? Pour moi je trouvais ça dégueulasse, horrible. Scénaristiquement je fais ok, des trucs en plastique, super. Et j'ai arrêté pendant 6 mois. Et puis après, en discutant avec quelqu'un, on me dit « Ah ben, est-ce que t'as vu le deuxième épisode ?» Et en fin d'épisode, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un teasing. Ouais. Et en fait, j'avais pas vu le « Next Time ». Parce que je faisais autre chose, je sais pas quoi. Et t'avais pas compris Et j'avais pas compris que c'était la suite. Je me disais... Parce que vraiment, en fait, c'est presque une micro-aventure avec le « Next Time », en fait, de cet épisode-là. C'est genre, on se fait... Ah ok, ils voient un truc où c'est la fin du monde, ok cool, et après ça fait, ah y a pas de fin, ils sont juste allés à un truc où c'est la fin du monde, ok c'est cool. Et on parle de ça et de ce second épisode, et je dis mais pourtant j'ai pas regardé deux épisodes mais je connais, et elle me dit ah pourtant il est cool et tout, et du coup je décide de reprendre, je regarde à nouveau le premier, j'aime toujours pas, je regarde le deuxième, j'aime beaucoup, et puis je suis parti quoi, et maintenant en fait quand je reviens au premier, il y a cette ambiance de Doctor Who qui est là. C'est ça. Les personnages sont bien définis. C'est pas des personnages qui ont foncièrement changé du début à la fin. Je veux dire, Rose, elle fonctionne de la même manière, sauf qu'elle elle a une profondeur différente plus on avance. Mikey, il va foncièrement changer, mais il va quand même avoir un caractère proche. La mère de Rose également. Je veux dire, elle va un peu changer, mais ça reste plus ou moins le même personnage. Le docteur, même chose. Du coup. C'est un épisode que j'aime beaucoup maintenant, mais pour moi qui est un horrible premier épisode. C'est pas par là que tu peux faire apprécier Doctor Who à quelqu'un, d'après moi. Oui. Tu vas plus aller sur un délire Blink ou Et en même Dalek, temps... l'épisode Dalek, la ouais, première saison. Clairement, oui, où là vraiment tu fais ok. Ça c'est bon. Ça c'est ça, du... c'est ça, ça m'a calmé. Ouais. Ça te calme, c'est super bien écrit. Il y a des enjeux importants. Là, tu peux revenir parce que tu dis ok, c'est un monstre classique, les Autons. C'est un monstre classique de Doctor Who. Il y a des références justement à la série classique, comme à un moment elle va voir un mec qui enquête sur le docteur via internet et qui dit cette photo il était là lors de l'assassinat de JFK. Et en fait, l'assassinat de JFK c'était le 22 novembre 1963. Et en fait, Doctor Who ça a commencé le lendemain, l'assassinat le 22 novembre et Doctor Who le 23. Et du coup, tu vois pourquoi ça a été. Ils ont choisi cette date-là pour la référence. Et du coup, ça fonctionne bien. Le TARDIS, on n'en voit pas non plus des tonnes. Non. Du coup, au début, tu dis, ouais, c'est grand intérieur. Mais en fait, quand tu connais la série, c'est vraiment le TARDIS de la saison 1. Du coup, t'as vraiment envie que l'aventure se passe dedans. Enfin... Pour moi, j'aime beaucoup cet épisode. Mais quand on connaît vraiment la série... Mais en perspective de tout. J'ai un avis qui diffère. Je trouve que justement c'est un épisode qui est bien, hein, qui pourrait être un premier épisode puisqu'il n'en met pas plein la vue. Tu vois. Oui. Je pense que si on avait fait plus, si on avait fait premier épisode Blink, enfin tu vois, ça aurait été enfin forcément dans un setup différent vu qu'on aurait dû quand même présenter les personnages etc. Oui. Les gens auraient fait mais Blink n'aurait pas été possible en début de non forcément bah, je prends l'exemple de la qualité plus que de l'épisode en lui-même oui. Peut-être de enfin Blink n'est pas un épisode exigeant intellectuellement, je veux dire faut pas avoir fait des études pour le comprendre mais je veux dire faut quand même avoir bien assimilé les possibilités du voyage dans le temps, très clairement. Même s'il y a des paradoxes. De toute façon, dès qu'il voyage dans le temps vers le passé, il y a paradoxes. Ça... Mais il faut accepter ces choses-là. Là où, par exemple, pour Blink, tu vas mettre un gamin de 8 ans devant, il peut éventuellement se dire ah, à ce moment-là, j'ai un peu décroché, c'était un peu exigeant. Ouais, ouais. Que là, Rose, l'épisode Rose, il n'y a aucun moment où oui, non, l'enfant ça. De 8 ans Décroche. Mais peut décrocher. Et c'est ce que je dis. Donc, et surtout, c'est pas la qualité top. Et ce qui va permettre de ne pas être trop exigeant avec la suite de Doctor Who. De ne pas te dire, second épisode. Ils mettent pas la barrière trop Ouf, quand même, c'était. C'était un peu moyen vis-à-vis du premier épisode. Non, là, justement, tu vois le premier épisode, tu peux ne pas aimer, tu peux relativement aimer. Moi, j'étais neutre, j'étais clairement en Suisse. Donc, tu penses que c'est volontaire qu'ils aient fait un épisode en visant pas trop? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est clairement possible qu'ils soient dit on va pas en mettre plein les yeux, plein les mirettes dès le début. Ouais, je ne sais pas. Tout comme le premier épisode de la série des années 60, il en met pas plein les mirettes dès le début. C'est un épisode très social, tout comme très social. C'est vrai, tout tourne autour de l'inquiétude sur le personnage de la petite fille du. Enfin, je veux dire, les professeurs qui sont inquiets pour la petite fille du docteur. Oui, tout à fait. Mais. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est pas un. Et je reste sur cet avis. C'est-à-dire que si je fallait que je. Fasse découvrir Doctor Who à quelqu'un en lui disant Doctor Who c'est génial. Bon, déjà, à chaque fois je dis, faut regarder la première saison. Ouais, ouais, ouais. Bon, déjà, en plus, les gens qui n'ont pas forcément cette curiosité intellectuelle vont te dire, ah ouais, mais une saison c'est 22 épisodes. Non, là c'est 10 parce que c'est le fonctionnement anglais. Ouais, voilà. Et de toute façon, ça passe très vite. C'est vraiment ça. Tu vois pas le temps passer. Éventuellement, le premier, tu le vis mal. Mais le deuxième. Directement, c'est du plaisir, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est un show, Doctor Who, qui. Il va grandir en toi. C'est ça. J'aime beaucoup cette phrase, je vois. Allez. C'est ça. En fait, c'est vraiment un truc, il va faire partie de ton quotidien. Il va t'emmener dans tellement d'aventures différentes que tu vas vivre un milliard de choses différentes. C'est ça. Et voilà, c'est en ça que Doctor Who est intéressant. Il y a des épisodes forcément qui sont super passionnants, mais le gros de l'aventure, c'est justement vivre une multitude d'aventures. C'est ça, ouais, ouais, ouais, très clairement. On est compagnon finalement de ces aventuriers-là. Et c'est hérité de pas mal d'années, de siècles même, de littérature en grande partie anglaise. Oui. Parce que je pense justement à Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est docteur très... calqué sur... sur le personnage de Conan Doyle, ouais, ouais. Enfin le personnage de Conan Doyle, le personnage de Sherlock Holmes, écrit par Conan Doyle, des connaissances énormes, une répartie folle, une vivacité d'esprit, c'est ça, un certain charisme, oui. Pouvoir de détection très affûté, oui, il a une observation déduction. Folle, oui, on avait compris, et des techniques scientifiques également, ouais. Scientifiques qui nous dépassent, ouais. Mais c'est de la science, c'est pas de la magie, ouais. Je veux dire, Doctor Who, le Sphinx Screwdriver, c'est de la science qui lui est propre, enfin qui est propre aux technologies gallifréennes, mais c'est de la science. Et le personnage, forcément c'est un personnage de série, donc il va se construire au fur et à mesure des épisodes, oui. Mais c'est ces épisodes aussi qui vont le définir, et pas juste ses actions qu'il va faire dedans. Non, tout à fait, mais c'est ça qui est assez étrange avec Doctor Who, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on passe d'un docteur à un autre, avec des fonctionnements relativement différents, on connaît le docteur. Oui. Quand on arrive à Matt Smith, mais c'est un nouveau docteur, mais on sait, face à tel événement, on sait, ok, il va pas les laisser, il va faire ça. Même chose avec Capaldi. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il change infimement, même quand, enfin, il change d'une manière infime, donc c'est-à-dire que, par exemple, Eccleston a beaucoup plus de dédain pour les êtres humains. Oui. Que, il lui dit en premier épisode, il appelle la Terre un globe couvert de singes à peine évolués, enfin un truc comme ça. C'est ça. Tandis que Tennant va être rempli d'admiration pour les humains. Oui. Et malgré tout, en effet, devant une même injustice, tous les docteurs réagiront de la même façon. Oui, ils vont toujours défendre la personne qui subit l'injustice, qui subit la violence. Voilà. Et parfois à défendre à aller jusqu'à défendre certains de leurs ennemis. C'est arrivé. Mais par rapport à ça, oui. Déjà, grande question, est-ce qu'on prend en compte la guerre du temps ou on prend en compte Rose-Rose ? Qu'est-ce que tu entends par prendre en compte la guerre du temps ? Donc, par exemple, il y a eu un docteur, je pense que c'est Paul McGann, oui. Celui du film qui a totalement bousillé la série. Oui, le 8e. Enfin... Lui, sa prestation n'était pas dégueulasse. Oui. C'est le film est dégueulasse. Mais lui a fait une prestation tout à fait honorable. Donc, est-ce qu'il faut prendre en compte tous les éléments de la guerre du temps ? Donc, ça veut dire, il a, entre guillemets, sacrifié son peuple pour ne plus qu'il s'entretue. Oui ? Oui, parce que de toute façon, la série s'est pris en considération. Voilà. Donc, est-ce que ce ne soit pas intégré... On en parle un petit peu dans le premier épisode. Où justement la conscience d'Auton le dit, dans la guerre du temps, tu n'as pas sauvé notre peuple. Et il explique que je n'ai pas eu le choix, enfin voilà. Mais on sait vraiment ce qui s'est passé plus tard, quoi. C'est vraiment explicité plus tard dans la série. Donc, est-ce que par rapport à ça, ça n'a, on va dire, un grief, vous n'auriez pas un grief contre Eccleston pour dire, hey, la première fois qu'on le voit dans l'épisode, les premières minutes, il a une bombe en main, il fait sauter un immeuble pour tuer des formes de vie. Même si c'est un signal qui fait que... Mais est-ce qu'on est certain que c'est lui qui a construit cette bombe et qui... Ça ressemble quand même vachement à sa technologie, surtout au film que tu peux voir le jour du docteur, avec son ouais, bip, oui. Sa bip machine ou je ne sais pas quoi. Ouais. Ça ressemble fort quand même. Ouais, mais je ne sais pas. C'est une question intéressante, mais moi je l'ai pas vraiment vu comme moi je l'ai plus vu comme, mais c'est vrai, en plus c'est pas du tout partie du fonctionnement des Autons, les bombes. Non, mais ils tirent dans le tas avec leur leur flingue main. Ouais, mais ils ne posent pas de bombes. Du coup, c'est vrai que ce serait uniquement le docteur qui... Oui, et puis de toute façon serait venu avec ça. On va dire les automnes, qu'est-ce que c'est exactement ? Hormis une saison. Blague. Donc, les automnes, c'est chaud. À base, c'est une conscience. Et d'ailleurs, tu peux tuer un automne si tu n'as pas tué les automnes. C'est ça. Ça, je veux dire, c'est ça. C'est basiquement un proxy, en fait. C'est juste ça. C'est un marionnettiste, c'est ça, et des marionnettes. T'as un serveur et du coup, tu les tues pas vraiment. T'as des modems, donc c'est ça. Est-ce que péter un modem c'est mal alors qu'il y aurait la conscience de quelqu'un dans un serveur? Non, tu pètes un modem, tu pètes un des moyens de s'exprimer. Et vu que les automnes, enfin la conscience, essaye quand même de manger des gens, enfin de les tuer en tout cas. Oui. Hein, et ils ont tué, c'est pas Gordon, je ne sais plus comment il s'appelle, le chef électricien Bob aussi. Tout est lié. Tout tourne autour de Bob. De Bob le con. Par Saint-Marc et par Saint-Jean, je te prénomme Bob le con. Merci Karim, on pense à toi. C'est juste un moyen de faire le mal, de causer de la souffrance que le docteur élimine. Bon, il fait péter un bâtiment, ok, mais ça n'est qu'un bâtiment comparé aux vies que les Autons qui sont dedans pourraient prendre. Oui. Mais il s'en fiche de Bob. Il s'en fiche de l'électricien. Il le dit clairement quand il rentre pour la première fois dans le TARDIS avec Rose. C'est pas son problème. Mais c'est, il était là, bah, tant pis. Et il annonce de la même façon la mort de Mickey, enfin qui pensait être une mort. Oui, c'est vrai qu'il est assez violent un statisme. Enfin, il est statique par rapport à ce fait. Il reste assez froid dans le truc. Genre, il fait ah oui. Bah, okay, lui qui a vécu la guerre du temps, donc la mort de son peuple, il n'est pas. Oui, mais les gens prennent en considération quelque chose sur le docteur qui pour moi pose problème. Le docteur n'est pas un non-violent. Il refuse les armes et tout ça, mais il a quand même décimé des peuples. je veux dire, quand... c'est pas pour rien qu'on l'enferme dans le pot de Rica. Oui, mais avant ça, je veux dire, quand il fallait sauver Amy, il a fait exploser des vaisseaux avec des vies dedans. Ouais. Il n'a pas hésité à le faire. Le docteur, ici, il fait allusion à la guerre du temps. Ouais. Et il le dit clairement qu'il n'a pas pu sauver les gens. C'est pas dit clairement qu'il y a eu des violences, mais le fait que tu parles de la bombe, en effet, ça ramène cette violence-là. Mais c'est une violence qui va un peu s'atténuer par la suite. Il va y avoir une violence différente, mais la violence, je fais exploser un bâtiment, elle revient avec Matt Smith. Mais on se positionne de manière assez bizarre moralement avec Doctor Who. C'est-à-dire que le docteur, on sait ce qui fait ses actes sont bons, parce que c'est moralement un homme bon, enfin un être bon, mais du coup on va accepter qu'il fasse exploser le bâtiment, enfin on va accepter, alors que moralement c'est pas acceptable. Oui, il faut pas oublier un truc, c'est qu'au début de Doctor Who, enfin dans l'épisode Rose, il n'y a pas encore de companions. Et oui, si on apprend une chose avec... Il n'a pas l'air d'en vouloir au début. Non. Et puis c'est sur la fin où il se rend compte que elle a sauvé le truc... Elle a sauvé l'aventure, elle a peut-être sauvé le docteur, même s'il semblait quand même pas trop... trop dangereux. Il s'en faisait pas, il était rassuré, ça allait. Mais le premier épisode de Donna Noble, où elle ne va pas encore être le compagnon, elle fait comprendre au docteur que parfois, il va trop loin. Il tue l'entièreté du peuple Rachnos. Oui. Alors que, dans les faits, il aurait pu tuer la mère. Mais ça, on y reviendra quand on parlera de la période de Donna, mais Donna est un personnage extrêmement intéressant parce qu'elle va Jimmy confronter... c'est la conscience du docteur. C'est-à-dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi ce peuple-là, alors qu'on peut... Ces gens-là, pourquoi? Fire of Pompeii. Oui. Pourquoi? Enfin, le TARDIS est infini à l'intérieur. Tu peux mettre tout le monde dedans. Pourquoi tu mets pas tout le monde dedans? C'est ça. Après, bon, c'est expliqué par les points ancrés dans... fixe dans le temps. Mais la question est légitime. Moralement, la question de Donna se positionne légitimement là-dedans. Et Rose aussi va faire ressortir le côté humain chez le docteur. Oui, il y a différents moments. Je veux dire, regarde l'épisode d'Alec. Voilà, oui, c'est ça. Ou l'épisode Father's Day. Ouais, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que elle va essayer d'enfreindre les lois imposées par le Time Lord, enfin par les Time Lords, pour des choses morales, soit propres, Father's Day, propres à elle, ouais, soit à une autre race, en essayant de sauver une autre race qui semble souffrir d'Alec. Ouais, bah oui. Donc, et en ça, c'est super intéressant. Voilà. Mais dans cet épisode, il y a d'autres choses qui sont à souligner dans l'épisode rose. Donc c'est à la fois le côté nouvelle aventure du docteur qui commence seul, et donc on introduit un possible compagnon. Tout à fait. Donc dans le personnage de Rose, et j'en parlais avec je crois que c'est avec toi oui. Tonton, je ne sais plus pourquoi le personnage de Rose est un personnage intéressant. Ah oui, c'est avec moi en effet. Le personnage de Rose est un personnage intéressant pour plusieurs raisons et qui sont expliquées pour certains points par Russell T. Davies, donc showrunner de la série, responsable du retour de la série. En fait, il faut regarder quel est le public possible de Doctor Who. C'est clairement Harry Potter. Oui, c'est... Enfin, c'est clairement Harry Potter. Il y a des éléments d'Harry Potter. Mais voilà. En gros, c'est le gros du public de Doctor Who. Dans la démographie, il essaie de toucher comme public, en gros, 7 à 77 ans. C'est ça. J'ai dit 77 ans, je suis belge. C'est fou. Donc, 7 à 77 ans. Hommes, femmes, tout le monde. Maintenant, ils savent qu'il ne faut pas choquer les enfants. Il ne faut pas parler de sexe. Il ne faut pas avoir de choses trop extrêmement violentes. Il faut faire attention aux choix moraux qu'on présente comme des choix bons. Ouais, tout à fait. Du coup, il faut aussi que ce soit une personne qui puisse suivre le docteur. Du coup, ça va être une jeune. Pour être le plus proche des enfants et faire le lien avec les adultes. Mais il faut qu'elle soit quand même adulte. C'est ça, qu'elle puisse légalement le suivre, pas que ce soit une fugue. Voilà, pour qu'elle ait son indépendance et pas que ce soit une fugue ou un kidnapping. C'est une jeune travailleuse. Oui. Mais qui a un travail qui n'est pas foufou. C'est ça, qui n'est pas surdiplômée. Qui n'est pas surdiplômée. Mais qui n'est pas stupide. Qui n'est pas stupide non plus. Du coup, elle est assez peu... elle va avoir des connaissances relativement limitées, qui va permettre de poser des questions que le public poserait. Elle va représenter le public. Forcément, elle ne connaît rien du tout des aventures des Time Lords. Du coup, elle va poser des questions. C'est quoi cette race? Comment fonctionne le TARDIS? Tout ça. Ouais, ouais. C'est une jeune travailleuse qui potentiellement va être la situation de beaucoup du public de Doctor Who. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de très... c'est le peuple qui regarde ça. Tout à fait. En Angleterre. C'est pas la haute société. Enfin, possiblement, oui. Il y avait une déclaration, je sais pas si elle est vraie, mais je l'avais vu sur Internet, comme quoi la reine d'Angleterre avait déclaré être une Whovian. Oui. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai trouvé ça très très cool. N'oublie pas de prendre le micro quand tu veux dire quelque chose. C'est juste pour souligner le fait que c'était vrai, que la reine d'Angleterre était bien une Whovian. Alors je me demande si c'est pas aussi pour dire, voilà, c'est une production culturelle anglaise. Ouais. Et du coup, elle n'est pas non plus reniée ça quoi. Comme ils ont offert des prix à Alan Moore, alors qu'Alan Moore, il a quand même extrêmement critiqué le gouvernement Thatcher avec V pour Vendetta par exemple. Ouais, tout à fait. Enfin bon. Donc c'est intéressant pour ça. Donc possiblement, ça va être des travailleurs. Il y a le côté, tu parles du côté Harry Potter avec. Il y a le côté orphelin. Je veux dire, oui, il est où le père? C'est ça. Et c'est tout le côté. Donc, il y avait quelqu'un, je ne sais plus c'était qui expliquait pourquoi Harry Potter ça marche. Harry Potter, ça intervient à l'âge où on est relativement souvent en dispute avec ses parents. Donc, fais tes devoirs, range ta chambre, etc. Ou il y a des fois où on est fâché contre eux, on a une envie, c'est qu'ils meurent. Même si on ne veut pas que nos parents meurent. Hein, mais on veut plus qu'ils disparaissent. C'est ça. On voudrait avoir une indépendance déjà maintenant, même si on ne sait pas toutes les contraintes de l'indépendance. Oui. On voudrait être riche, on veut être célèbre, on voudrait être puissant. Harry Potter, il hérite de la fortune de ses parents. Il est déjà célèbre alors qu'il n'a rien fait. Basiquement, il a juste survécu grâce à sa mère. Mais il est célèbre pour avoir survécu à Voldemort. Il est puissant, c'est un mage. Et un c'est sorcier, ça, un sorcier, c'est important, un sorcier. Oui, un c'est sorcier. Important. Et c'est là-dessus, oui, parce que sinon je vais me faire tuer. On va avoir des mange-morts qui vont débarquer chez moi. Et c'est ça qui a, entre autres, créé le succès d'Harry Potter, c'est que tous les gosses du monde se sont identifiés à Harry Potter. Garçons, filles, tout le monde. Il y a quand même pour des choses suivantes avec Peter Parker, Spider-Man. Oui, tout à fait. Où en fait, ils ont regardé, tout comme pour le choix de Rose, c'est intéressant parce qu'il fallait que le public s'identifie. Ils ont aussi regardé en tout cas Stan Lee et Steve Ditko à la création, ouais. Je suis certain, bon, il est marqué nulle part, mais je suis certain qu'ils se sont dit, bah, qui lit des comic books ? Du coup, on a le petit nerd à lunettes, voilà, qui, du jour au lendemain, arrive l'impensable, c'est qu'il devient... ses problèmes physiques disparaissent, problèmes de vue disparaissent, il devient fort, il est déjà intelligent, mais... Bon, ça, limite, c'est plus... À l'époque, dans les années 60, c'est plus une plaie quand t'es frêle et intelligent. C'est, et que t'es adolescent, les autres se foutent de ta gueule. Et du coup, le lecteur pourrait se dire... C'est super, en plus, il est masqué. Du coup, Peter Parker, ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être moi. C'est ça. Et c'est en ça que c'est intéressant. Autre chose aussi, sur le choix des personnages... Moi, je trouve ça intéressant que Mikey ne soit pas un blanc, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Et je pense que c'est choisi pour dire, apporter un peu de diversité. Et malgré le fait qu'ils ont décidé d'en faire un black, enfin, il a l'air plus métis, en fait. Oui. Ils n'en ont pas fait genre... notre black, il ne doit pas être nul, quoi. Notre black, il doit être... ça doit être Luke Cage, quoi. Ça doit être le gros musclé. C'est ça. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir la communauté... BLM black sur le dos. Non, il dit... C'est petit ami chiant, il est naze. Pendant plusieurs moments de l'épisode, il s'accroche à la jambe de Rose, comme un gamin. Comme tous les petits amis. Comme... C'est ça, écoute, ouais, basiquement. On vient d'apprendre des choses sur ta vie personnelle. Et ça, c'est intéressant. Comme le personnage... C'est quoi encore le prénom de la mère de Rose ? C'est Jackie. Jackie, mais, oui. Moi, Billy Piper, je m'accrocherai à sa jambe aussi, je te rassure. Mais Jackie aussi, c'est intéressant. Parce que lui, elle est chiante, mais finalement, tu dis, elle est forte, cette femme. Ah ouais, ouais, non, clairement. Je veux dire, elle a vécu la mort de son mari. Ouais. Elle a élevé un enfant toute seule. Ouais. Enfin, et elle l'a bien élevé, hein, parce que ici, on commence l'histoire, elle a quoi, 18-19 ans, c'est ça. Rose. Elle bosse. Elle bosse, elle travaille. Bon, elle a peut-être pas fait des études après avoir fait le secondaire, mais elle a probablement son bac. Enfin... L'équivalent, du moins. L'équivalent du bac français. Chez nous, c'est le CSS, c'est différent. Parce que nous, un bac, c'est l'équivalent de bac plus 3. C'est ça. Enfin, c'est compliqué. Elle travaille, elle a un logement. Enfin, elle est avec sa mère. Oui, mais je veux dire, oui, elle a offert un toit. Elle a un toit pour sa fille. Et il y a en plus le petit ami. C'est pas un connard, c'est pas un trou du cul. C'est pas... Enfin, on va revenir peut-être sur les mails, mais... Potentiellement, il y a pire. Oui, et puis potentiellement, donc même s'il est. Il est cool, il pense beaucoup à elle. Regarde, la scène intro, tu la vois, ils sont en train de manger en Londres, ils dansent comme Michael Jackson pour elle. Ils ont l'air vraiment de s'apprécier. Même s'il y a toujours une légère distance, je trouve, que Rose pose entre elle et Mikey. Tu vois, oui, fait, tu sens que c'est pas l'homme de sa vie. Tu sens qu'elle se réserve encore pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux. David Tennant. Par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a cette distance-là. Mais en même temps, dans le couple, c'est un couple qui fonctionne, quoi, qui a l'air de fonctionner, en tout cas. Sur les apparences. C'est hein. Ça, ouais, ouais, tout à fait. Mais voilà. C'est ce que j'avais à dire sur le choix des personnages qui est intéressant. Oui, qui est tout à fait anglais. Oui. Et qui est tout à fait humain. Mais il est multiculturel, en fait. C'est ça qui est cool. C'est ça. Même s'il n'y a pas assez de Mexicains. Est-ce qu'il y a plus tard des Mexicains ? Il y en a, mais... C'est vrai qu'il n'y a pas, de latinos. Bon, enfin, d'un autre côté, je pense qu'en Angleterre, les latinos sont moins représentés. Pas non plus énormément d'asiatiques. Hein. Non plus. Et voilà, c'est un souci de la... On a trouvé le souci de la série, son racisme. C'est ça, hein. Ouais, c'est quand même vachement raciste, Doctor Who. Hein. Et puis homophobe et machiste. Très clairement, oui. D'ailleurs, le docteur est toujours un homme, c'est pas pour rien. Un homme blanc hétérosexuel. Ouais. Blanc, le connard, quoi, le connard de base. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter ? Tu nous avais parlé tout à l'heure, lors de la préparation de l'émission, des audiences. Oui, mais avant, j'aimerais bien... Oui, bien sûr. ...switcher sur un autre truc. Le personnage de celui qui est sur Internet. J'ai totalement oublié son nom. Celui qui aide Rose à trouver... On va l'appeler Bob. Encore ? Non, je sais plus du tout son nom. Il crève d'ailleurs, ce connard. Oui. Enfin, c'est pas un connard d'ailleurs, parce qu'il a tout à fait raison. Oui. Il est cool, il a une famille et tout. Oui, oui, c'est... Je disais ça. Donc, par rapport à ce personnage, il amène une piste, déjà pour le premier épisode, et j'ai noté... Parce que vous voulez des chiffres. Oui. À 15 minutes 40, ouh, précisément. C'est précis. il amène la piste du nom du docteur pour le premier épisode. Comme quoi, ce serait un titre d'héritage. Oui, on saura par la suite que ce n'est pas vrai. Mais... Non, ce n'est pas un héritage, mais c'est un titre qu'ils se choisissent. Quoi. C'est un nom qu'ils se choisissent. Mais déjà pour le premier, pour les premières 15 minutes de tout ce, que, de tout ce qu'est Doctor Who, il y a déjà ce souci. Ah, mais c'est le docteur, pourquoi ? Oui, oui. Et Docteur qui ? Et c'est Russell T. Davies qui va développer ça. Donc, il sème déjà les graines de ce qu'il espère pouvoir faire pousser pour la série. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et c'est aussi ça, pour ça que c'est intéressant, Doctor Who, de le revoir après avoir vu les saisons. Doctor Who, c'est énormément de setup payoff. Hein. Ouais, c'est ça. Il place des éléments, et cette première saison, c'est une mine. Hein, c'est une mine. Il place énormément d'éléments qu'il va récupérer par la suite. Et c'est pas fait de manière dégueulasse comme dans certains trucs, il va faire n'oublie pas ton arme de c'est cheville. Ça. On sait jamais si ton arme première c'est pourrait ça. Venir à tomber. À s'enrayer, à s'enflammer. Et après, tu découvres qu'en effet, l'arme, il l'a fait tomber ou s'enlève et il récupère son autre arme. Et... Enfin, c'est plus subtil que ça. C'est pas facile d'écrire de cette manière-là. Ouais. Et là, c'est quand même assez subtil pour que tu te dises à la fin, ok, c'était devant mes yeux depuis le début. Oui, ouais, c'est ça. Et tu as l'impression d'être con, alors que pas du tout. Enfin, peut-être. Je ne sais pas, je te connais pas. Mais peut-être qui êtes-vous ? Et toujours sur le personnage de Bob l'internaute. Oui, ce sera... Je crois qu'on ne cite pas son nom, en fait. Si, on le dit. Son pseudo. Non, quand Rose va et que le fils ouvre la porte. Ah oui, je cherche Luc. Je ne sais pas si c'est Luc. Je propose Luc. Ben, Luc, Bob l'internaute. Oui, le prénom composé. Voilà, on peut voir les photos, les représentations, les images. Oui. Mais j'aimerais amener une question, une piste, prenez ça comme vous voulez. Le but des voyages dans le temps, c'est de ne pas laisser, on va dire, de traces de lui. On connaît les histoires, on connaît le mythe, la légende Doctor Who, oui. Mais est-ce que c'est pas un peu con de se laisser photographier par rapport à l'assassinat de JFK? On le voit, il regarde l'objectif, il se fait... Bah oui, c'est vrai qu'il regarde. Il se fait le portrait du Krakatoa. Je ne sais plus, mais il se fait le... Voilà, il fait se tirer laisse portrait. Dessiner. Oui. Il se laisse croquer. Et au Titanic. On le même voit au Titanic. Oui. Alors déjà, le Titanic, c'est un super restaurant à Cora. Et ensuite... Ça fait des pizzas. Ouais, mais Cora, c'est aussi en France. Hein. C'est aussi en France. Voilà. Ah. Merci, Jean-Guy. Il me semble. Oui, c'est aussi en France. J'en suis persuadé. Enfin, soit. On dirait-il que le docteur... Il est là plus pour intervenir ou pour être témoin, un peu comme les Watchers dans l'univers Marvel. Les gardiens. Les gardiens. Il est là soit pour régler des soucis, soit pour être spectateur. JFK, je suppose que c'est considéré comme un point fixe dans le temps. Très probablement, sinon je serais intervenu. Mais comme il n'intervient pas, en fait, quand ça se passe entre les races. C'est ça. Enfin, dans la plupart des cas. Sauf les petits accidents de navires miniers dans l'espace. Enfin, voilà. Oui. Ou de batailles dans des bunkers souterrains qui durent depuis 9 heures. Ça, c'est fou. Enfin, soit. Donc, le docteur, je pense pas qu'il soit là pour être un mystérieux gardien observé. Enfin, je veux dire, vu qu'il, parfois, souvent, il prend part à régler des soucis, à régler des conflits. Les gens le connaissent, les gens le savent. Oui, mais docteur, au début, ça veut dire guerrier dans une langue. Ouais. Mais au début, on a plus l'impression que c'est comment ? Que c'est presque secret, qu'il doit fonctionner dans l'ombre. Leur première intervention avec les Autons, il vient en pleine nuit dans le magasin. Et ça continue comme ça, il intervient de différentes manières, alors que plus t'avances dans la série, plus c'est on s'en fout. Ouais, aller, mais d'un autre côté, il y a même Martha qui est pour mission de balancer le message, c'est-à-dire de propager le message au sein de la population. Il y a des moments où Clara et le docteur en TARDIS volent assez bas au-dessus de Londres. Mais il faut pas oublier qu'il y a un vaisseau très qui a en ce moment, il y a un vaisseau... j'ai envie de lui tirer une balle dans la tête à ce degré de violence, c'est te dire à quel point elle m'a énervé. Il y a un vaisseau, le vaisseau Slicing qui a hit le Big Ben. Big Ben, oui. Et deux mois plus tard, les gens sont là. Ah, c'est pas Big Ben, parce que Big Ben, en fait, c'est la cloche. Ouais, bah, qui est. Qui est... Ouais, il a touché la cloche, c'est vrai. Mais la, la tour, c'est la tour. Elisabeth, je sais plus. Enfin, toujours est-il à cette île 12 ans que les gens, deux mois plus tard, ils étaient là. Oh non, bah ça, c'est un hoax, t'inquiète. Dans, dans au sein de l'univers de Doctor Who. Oui, mais c'est pour pouvoir réintégrer la. La découverte d'autres races. Oui, c'est. Enfin, mais oui, non, d'accord. C'est très con, mais. Voilà, c'est facilement. Ça, c'est à chaque fois pour réintégrer le premier contact. Mais. Enfin, voilà, mais c'est, après, c'est quand même setup dans, dans le truc. C'est. Les gens ne veulent pas croire à l'existence des extraterrestres, même quand ils ont des preuves relativement flagrantes devant eux. Oui. Et voilà. Et donc, du coup, fatalement, le docteur, il peut se balader la bite à l'air. Les gens... ouais, de toute façon, ils vont dire que c'est un humain, quoi. C'est ça. Et, ou, ça même si c'est chelou, ben, les gens qui vont dire « Vas-y, regarde, c'est un extraterrestre, il était là en 1964. » Ben... 63. Mais en fait, c'était une date que je balançais totalement au hasard. D'accord. Je balançais totalement à Gaï. Mais soit. Enfin, oui, en 63, il était là. Bah, il était sans doute là en 64 aussi, après tout, on ne le sait pas. Potentiellement, il était là chaque année de, mais c'est ça. De l'existence. Potentiellement. Et ainsi donc, bah, les gens traitent de fous, de marginaux, ceux qui pensent que le docteur est vrai et que c'est une conspiration. Et voilà. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des gens qui se. Fascine pour le docteur. Ils vont, c'est un peu des marginaux, justement. C'est ça. L'épisode avec. Comment il s'appelle cet épisode ? Moi, je, Lisa. Donc, non, c'était Lisa ? Ouais, les gens qui, justement, étaient fascinés par le docteur Who et finalement ont réussi oui, à. C'est ça. Ils ont même fait un groupe et tout ça. C'est ça. Et finalement, ils sont à comment dire ? Ils sont gobés par un monstre. Ouais, c'est dommage, hein. C'est un épisode, enfin on en reparlera en temps voulu. C'est l'un des pires du monde. Mais oui, mais il y a des choses, il y a du hello dedans, donc oui, on ne peut pas critiquer. Voilà. Tu veux peut-être nous parler des audiences maintenant ? Vous voulez les chiffres ? Tout à fait. J'en ai un gros. Alors, combien de personnes s'étaient rassemblées devant leur télévision pour regarder le retour de Doctor Who ? 10,81 millions. C'est quand même un énorme chiffre. Rien que pour la diffusion ouais. Première. Quand tu penses à enfin un chiffre comme ça, enfin surtout qu'on est en Angleterre, parce que certains ils vont comparer ça à des chiffres de Game of Thrones par exemple, tu vois. Ben non mais ok, calmez-vous. Maintenant d'ailleurs les chiffres pour la série, ils sont pour Doctor Who ils sont divisés entre plusieurs trucs, c'est-à-dire que ils vont considérer d'abord la télévision, mais après il y a le fait de pouvoir le regarder en replay sur le site officiel de la BBC si t'es. Puis il y a la rediffusion la semaine ou deux semaines après sur BBC 2 au lieu de BBC 1 ou BBC 3. Enfin, c'est assez compliqué. Tu as plusieurs vagues comme ça qui te permettent de voir. Et un épisode n'a pas forcément de mauvaise audience à sa première diffusion. Ils vont donner une seconde chance avec les multidiffusions. Et c'est énorme. C'est surtout très au-dessus de leurs espérances. Ça, mais on verra par la suite, donc pour le deuxième épisode, que ça a beaucoup baissé. Oui. Je laisse le suspense s'installer. Mais c'est le principe. Alors, chez Marvel, pour les comic books, ils vont souvent relancer au numéro 1, parce qu'un numéro 1, ça vend. Un numéro 1, les gens se disent « Ah ben, je peux acheter ça à mon fils, parce que c'est un numéro 1, quoi. » Normalement, il n'y a rien à vendre. Sauf que c'est pas toujours le cas. Et même chose pour Doctor Who, on se dit, bah, c'est le premier épisode. Je l'ai regardé, bah, j'ai pas aimé, je vais pas manquer le deuxième. Un truc culturel comme ça, où il y a un suivi, le premier épisode, premier tome, premier volume, réunit toujours plus de monde, parce que les gens testent. Et systématiquement au deuxième, tu perds. Systématiquement. Parce que les gens qui n'ont pas aimé ne suivent plus, les gens qui ne peuvent pas regarder parce qu'ils sont pas là, ben, n'ont pas regardé. Quand c'est pour acheter des trucs pour les regarder sur le net légalement, ben, ils se sont dit ben, non, je vais pas payer. Enfin, il n'y a pas de raison qu'ils font que c'est comme ça. Après, ça peut réaugmenter par la suite avec la réputation de la série. Ouais. Ça peut remonter. Mais dans une diffusion semaine à semaine, ça arrive tout le temps, et même pour les séries qui sont énormément suivies, quoi. Mmh. Faut pas espérer avoir une augmentation de l'épisode 1 à 2, c'est toujours une diminution. Mmh. Donc ça, on peut pas lui en tenir rigueur, même si elle est quand même assez flagrante, là. Est-ce que vous avez d'autres éléments à amener sur l'épisode ? Moi, oui, déjà. Je t'écoute. Je n'arrêterai jamais de parler. C'est bien pour ça que t'es là, hein. Si tu parlais pas devant le micro, ce serait un petit peu dommage. Si je parlais derrière, on m'entendrait pas non plus. Mais je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Nerdgasm. Oui, un orgasme de nerd. Voilà, un truc comme ça. Ou un fan. Hein. Le moment où Rose dit pour la première fois, c'est plus grand l'intérieur. Oui. On l'attendait tous. Oui, quand on connaît la série. Surtout, on sait que... oui. C'est comme... j'ai regardé la série, je me suis dit, à un moment, il veut dire fantastique. Oui. Et voilà. Il le dit. C'est et ça. Là, je me suis dit, ah, il l'a dit. Ah, c'est sa phrase. Ah, c'est fantastique. Ça donne des frissons en plus, un petit peu. N'est-ce pas ? Oui. Merci beaucoup. Très constructif. Mais comme ici, j'ai remarqué, il va dire à un moment, dans la conversation qu'il a avec la conscience des Autons, il va dire, il va gueuler, I am talking, exactement. Ce qui va être repris plus tard dans le discours de Matt Smith à Stone Age. Mmh. Et comme ça, en fait, il y a souvent un petit jeu de ping-pong où on va reprendre des trucs d'avant pour les hardcore fans qui analysent beaucoup. Il y a alors, ces petits éléments qu'on va reprendre. Ou alors il va citer, à un moment, il va dire « Ah ben j'ai connu un tel, il va pas aller plus loin. » quoi. Il va juste dire le nom, il va pas dire la race. Et du coup, quand toi, tu te rappelles du nom, tu fais « Ah ok. Okay. » C'est fait pour les fans. Oui, mais comme ça, on est encore plus intéressé. Mais ça n'empêche pas, pour ceux qui sont moins fans ou qui sont spectateurs occasionnels ou même fréquents, mais pas hardcore, ça ne s'empêche pas de suivre. C'est pas quelque chose qui va être excluant. Accueil. C'est pas un élément qui va être fort appuyé, souligné au crayon gras. Non, pour dire, ah, si vous ne savez pas ça, bah, vous ne serez pas suivre. Oui, c'est ça. C'est juste un petit clin d'œil. C'est un petit bonbon qui est donné comme ça pour les fans. Et ça, Doctor Who, le long de la série, c'est récurrent. Donc, tu voulais dire d'autres choses par rapport à la schizophrénie de Rose, peut-être un peu. Qu'est-ce que tu entends par là L'épisode. Le moment où Mikey s'accroche à sa jambe, tout à la fin. Donc, quand ils sont dans les égouts. Voilà, il dit, ah, viens avec moi, je te raccompagne chez toi, tout ça, blablabla. Le docteur revient à peine une seconde après et fait « Ah, je viens avec toi !» Est-ce que c'est par rapport à la relation qu'elle entretient avec Mikey qui ne la satisfait non. plus, donc elle va avec ? Ou c'est par rapport « Ah, j'aurais manqué une occasion, il revient, je vais avec lui. » Oui, moi je vois comme cette deuxième chose, c'est-à-dire qu'au moment où elle dit non, tu vois après quand le TARDIS disparaît qu'elle se dit... Elle pense à tout ce qui est à côté de quoi elle peut passer, potentiellement. Et c'est pas la seule fois qu'on aura ça, on aura ça avec Donna. Où la première fois, elle dit « Mais non, non. » Et puis, au fur et à mesure, elle est même devenir une enquêtrice du paranormal, mais du bizarre, oui. On va dire. Bah, pas fantastique non plus, parce que ça peut être de la sci-fi, des problèmes un peu. C'est surtout de la science-fiction. Et donc, la première fois, elle dit non, elle devient enquêtrice. Et puis, la seconde fois, qu'elle a l'occasion, elle dit « Mais oui, j'arrive !» Là, en fait, elle s'est rendue compte, ah, je passe à côté de quelque chose d'important. Il revient tout de suite, il fait, ok, là, c'est ma chance, je vais la laisser passer. J'ai vraiment vu comme ça où, en fait, elle s'est dit, j'ai pas eu le courage. Et là, la déception directe. Ouais, tout ouais, comme ouais. Des fois, tu vas avoir un quart avec une fille, tu dis, j'aurais dû l'embrasser. Et que tu dis que si tu avais la chance de le refaire, tu l'offrais sans hésiter. Ben là, c'est exactement la même réaction pour moi. Donc pour moi, la construction de sa décision, elle est logique. Tout à fait. Elle ne sort pas d'un chapeau magique. Ça se voit la déception directe sur son visage quand le TARDIS qui disparaît et qu'elle se retourne pour dire on part là-bas. Tu vois vraiment le truc du... Je passe à côté de quelque chose de fou, quoi. Tu le vois directement. D'autres éléments que tu voulais nous apporter ? Non, pas de masse. Toi, non. Et Al ? Encore un dernier ? Oui, après, et après, on clôture l'épisode. Par rapport à ce que Russell T. Davis, oui, c'est lui. Oui, c'est le showrunner et scénariste de l'épisode. A voulu amener pour ce premier épisode. Est-ce que vous pensez que ce serait une critique de la société de consommation de 2005 jusqu'à maintenant, parce que c'est toujours actuel, comme quoi la mode, les mannequins, les canons qu'on nous appose peuvent aller trop loin et nous tuer. Enfin, nous tuer métaphoriquement, mais... Là, c'est partir loin. Je ne pense pas que ce soit... C'est capillotracté. Mais c'est un thème tout à fait possible. Oui, mais comment dire ? Le truc, c'est que je pense qu'il y aurait eu une exagération des formes, si ça avait été le cas. Les mannequins auraient été complètement buffs. Les mannequins hommes auraient été complètement buffs. Les mannequins femmes auraient été complètement fines. Je pense pas que ça a été... Parce que je pense surtout qu'il a choisi une race... De l'ancienne série. Qui existait auparavant, pour justement éviter, pour les hardcore fans qui reviennent... un dépaysement entre... Forcément, il revient et on prend pas les anciens. Je pense qu'ils ont... Ils se sont dit, on va se faire sur un monstre classique et récurrent. Les Autons, dans la série classique, sont arrivés plusieurs fois. Ils étaient assez connus des spectateurs. Donc, on va commencer avec eux. Et en même temps, c'est un système qui fonctionne assez bien pour les nouveaux. C'est pas un monstre compliqué à comprendre. Il est fait de plastique. Et voilà. Vu que le... je pense pas que de manière... consciente, ça a été une critique que Russell T. Davies ait voulu instaurer, d'autant plus que le show est très mercantile. Enfin, je veux dire, le nombre de goodies qui sont vendus. Je pense que si le show a des choses à dire, c'est plutôt un niveau humain, un niveau moral, politique parfois. Oui, mais en tout cas, pas de critique du capitalisme, ou peut-être dans d'autres épisodes, mais en tout cas pas celui-là. Moi, je le vois pas comme ça. Maintenant, ça aurait pu être un thème. Parce qu'en plus, ces aliens-là sont totalement construits pour ça. Enfin, je veux dire, si tu veux faire un épisode de la critique de la surconsommation, du commerce, ou même des canons esthétiques, bah, ils sont parfaits pour ça. Hein. Je trouve que Cassandra est plus... Lady Cassandra est plus une critique. J'avais pas pensé, mais en effet, pour les canons de la beauté, Cassandra O'Brien est bien plus Delta quelque chose. Et en effet, plus à propos. C'est parce ça. Que c'est dans son discours constant. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé. Surtout qu'on la voit dans l'épisode suivant. En plus. Et surtout avec une... je me taire. Ce sera pour la prochaine fois. Surtout qu'on la voit deux fois. C'est vrai. Deux fois ? Pas plus, hein. Non, deux fois. Ouais. Dont une fois où elle sera vraiment très très touchante. Oui. Bon, voilà, pas de spoil. Ah non, mais je tease. Pas de spoil supplémentaire. Je crois qu'on peut clôturer l'épisode. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, oui. Al, un dernier mot ? Merci. Tentacule. Camembert. Jupe. Donc, on se retrouve la semaine prochaine où on critiquera l'épisode 2 de la première saison de Doctor Who. Donc, première saison. Du retour de Doctor Who, donc de la saison de 2005. En attendant, consommez. On parle de consommation, consommez des produits culturels. Regardez Doctor Who. Et on se voit la semaine prochaine. Bisous.